sur la terre, chapitre 7. Un fils de famille. À une époque bien antérieure à la nôtre, un auteur allemand disait, avec sa candeur allemande, « Sainte liberté, puisque ton culte tend à améliorer l'espèce humaine, ne pourrais-tu un peu mieux choisir tes apôtres ?» La liberté ne fit malheureusement aucun cas de cette supplique et l'incident passa inaperçu. Nous risquons de nous exposer à pareille déconvenue en faisant le même souhait. Mais, arrive que plante, nous encourrons les risques. Admirable civilisation, noble aspiration vers le bien, toi qui as été si féconde en grandes choses dans les siècles passés, pourquoi avortes-tu si souvent dans le nôtre et ne produis-tu que des monstres dans le régime moral, semblables à ces phénomènes effrayants du règne animal que l'on conserve dans l'esprit de vin pour la terreur des siècles à venir? Un de ces malencontreux avortements a produit de nos jours un monstre moral que nous qualifierons de pseudo-éclairé. Le pseudo-éclairé est la parodie, la caricature de l'homme véritablement éclairé. Cet avorton n'est propre à rien, mais se croit propre à tout. C'est la plaie de notre siècle. Parmi ces avortons, on pouvait mettre au premier rang l'illustre fils de l'alcalde, Tiburcio, en chair et en os, au moment où nous allons le remettre en scène. Comme d'agile perdreau, les années avaient couru pour le jeune homme avec d'autant plus d'activité qu'il aurait voulu les voir marcher moins vite. Inexorables à ses prières, elles avaient fait leur évolution aussi rapidement que les palettes d'un vapeur, et l'époque était arrivée où l'obtention du bonnet de docteur devait couronner la fin de ses études. Tiburcio voyait arriver ce moment avec la plus grande répugnance. Non pas qu'il craignît, comme cela ne pouvait manquer d'arriver, que le bonnet n'allât pas bien à sa noble tête, mais parce que, ses études achevées, il lui faudrait quitter Séville, ce séjour enchanté, pays classique de l'oisiveté, des cigarières, du bon pain et des bonnes olives. Et c'est un fait bien avéré, Séville est assez riche en oliviers pour assaisonner les salades de l'Andalousie tout entière. Enfin, tout à son terme, et les études de Tiburcio eurent le leur. Il fut reçu avocat. Nous ne voulons pas dire qu'il posséda réellement toutes les qualités de l'emploi, mais de fait, il avait le droit de l'exercer. Pour le mettre à même de débuter brillamment dans la carrière, son père mit tous ses soins à découvrir à Villamar un procès de quelque importance. Dans ce fortuné séjour, il ne put rencontrer même le plus minime sujet à discussion. De son ardent désir de faire briller les talents de son fils, Don Perfecto fut sur le point de chercher chicane à son compère et ami, l'oncle Juan Pérez, à propos d'un lentisque poussé sur les limites de leurs propriétés respectives et dont la possession pouvait être mutuellement disputée. Mais la prudente galicienne se mit résolument en travers de cette ardeur processive qu'elle n'eut pas beaucoup de peine à refroidir. Tiburcio, à son grand regret, fut donc obligé de revenir végéter, comme il le disait, dans ce charmant village de Villamar, qui lui était aussi odieux qu'il avait été cher à Stein, le médecin allemand. De ces deux sentiments si contraires, on peut tirer cette conclusion. C'est que les objets se couvrent d'un voile noir ou d'un voile doré, suivant qu'ils déplaisent ou qu'ils plaisent. Quoi qu'il en fût, notre nouveau docteur fit sa rentrée dans la maison paternelle. Jacob, en voyant son fils élevé à la dignité de ministre des Finances, n'éprouva certainement pas un plus grand mouvement d'orgueil paternel que l'alcalde de Villamar à la vue du bonnet de docteur que rapportait son fils. Quant à la mère, en le revoyant toujours pâle, toujours maigre et dégingandé, elle se contenta de lui dire « Si ton aïeul vivait encore, il t'enverrait aux Indes, comme mon oncle Bartholomé, car tu n'es pas bon à autre chose, c'est vrai. » Le jour de l'arrivée du nouveau docteur comptera à jamais dans les fastes de Villamar, à cause du banquet monstre que donna Don Perfecto à cette occasion. Toutes les notabilités de Villamar y furent invitées, car Villamar a aussi ses notabilités. Tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. L'agent notabilité s'est, du reste, si prodigieusement multipliée de nos jours qu'elle se trouve partout. Je crois, Dieu me pardonne, qu'elle pullule autant que l'agent Lapine. Malheureusement, on en peut tirer parti, comme de celle-ci, en la mettant en fricassée. La table du festin n'était pas assez grande pour contenir tous les plats. Aussi les servit-on un à un, et ils défilèrent successivement, comme il arrive aux étudiants qui vont subir leurs examens. Il y avait 3 couverts d'argent pour les notabilités de première classe, y compris le maître de la maison. Les autres convives mangèrent dans des couverts d'étain. Le linge de table était en toile de Galice, blanche comme neige, mais sillonnée d'affreuses raies rouges qui produisaient sur la vue l'effet que produit sur l'oreille, dans le silence du désert, le rugissement d'un chacal. Le sexe féminin avait été exclu du banquet. Non pas à cause d'un reste de jalouse coutume des Arabes, mais parce qu'à Villamar, comme peut-être dans des endroits plus connus, la place des femmes, en semblable occasion, doit être à la cuisine pour y surveiller le service. Rouge comme une tranche de saumon, les manches retroussées et le corps ceint d'un tablier blanc, Tiburcia commandait la manœuvre et dirigeait, en général expérimenté, le service des fourneaux confié à des voisines et à des amis qui comptaient bien se régaler des débris du festin. L'économe galicienne était d'une humeur massacrante. La vue seule du bonnet, cause de cette intempestive dépense, produisait sur elle l'effet de la tête de Méduse. « Un bonnet !» disait-elle, en soufflant avec rage les charbons de son fourneau. « Et à quoi servira-t-il à mon fils ce bonnet? Un chapeau calaneth ne lui conviendrait-il pas beaucoup mieux? Et dire que ce maudit bonnet me coûte 2 bonnes 1000 piastres, c'est vrai !» On servit d'abord sur la table une énorme soupière contenant une soupe au pain, recouverte d'une couche de tomates aussi épaisse que de la colle, et aussi nourrissante que de la gelée. À la soupe succéda, dans un bassin aussi grand qu'un chaudron, une olla, à laquelle nous donnerons le nom de revuelta, plutôt que celui de podrida, et dans laquelle les poulets et les perdreaux avaient, à force de cuire, laissé échapper les uns leurs bras, les autres leurs cuisses, les autres leurs entrailles. Les citrouilles embrassaient tendrement les saucisses. La viande s'attendrissait à ce spectacle et le petit salé frémissait de plaisir. Les garbanzos, pois chiches, criaient de joie et les haricots dansaient le fandango. Note du traducteur. Olla podrida, mélange de plusieurs viandes, de légumes, etc. Olla revuelta, mélanges en confusion, intraduisible. Fin de la note. À cette pièce de résistance succéda un plat en faïence de Triana, orgueilleusement baptisé de plateau en porcelaine, au milieu duquel, dans une sauce à l'oignon, baignaient voluptueusement 6 lapins à moitié découpés. Venait ensuite une fricassée de 8 poulets. L'alcalde lui-même avait fixé ce nombre en disant d'un ton péremptoire à sa moitié désolée : pour 8 convives, 8 poulets. Dans sa constante préoccupation de veiller à l'économie, Tiburcia avait passé la revue de la basse-cour. Comme un sergent recruteur, elle avait mis de côté tout ce qui pouvait être non-valeur, soit par raison de taille, soit par raison d'âge, et avait impitoyablement tordu le cou de cette réserve en répétant après chaque exécution « Maudit bonnet ! Au diable le bonnet !» De cette fusion de tous les âges, depuis le plus tendre jusqu'au plus avancé, dans une même casserole, il était résulté qu'on pouvait y rencontrer les morceaux d'un vénérable coq, offrant à la dent une résistance désespérée, à côté des morceaux d'un poulet enfantin qui fondait dans la bouche comme une meringue. Pour donner, autant que possible, le même aspect à ces morceaux d'une origine si différente, Tiburcia les avait revêtus, à l'aide d'une forte teinture de safran, d'un uniforme jaune comme celui d'un régiment de cavalerie. Ce condiment, que le fameux carême, ce tout à outem de l'art culinaire en Europe, a omis de mentionner, et dont ne parle pas non plus Brillat Savarin dans sa physiologie du goût, est, pour les cuisinières de l'espèce de Tiburcia, le nec plus ultra de la perfection. Dans notre désir de nous rendre raison de toute chose, nous avons interrogé ces teinturières sur les motifs qui leur faisaient ainsi prodiguer ce détestable condiment, et voici leur réponse textuelle. « Cela rend les sauces meilleures. » Si la science de nos cuisinières n'était pas la chose la plus inamovible de l'Espagne, si elle ne voyait pas, avec l'immobilité des pyramides d'Égypte, les siècles passés devant elle, nous pourrions vraiment craindre de voir, un jour ou l'autre, l'indigo ou la cochenille remplacer le jaune safran, si cher au cœur de nos empoisonneuses, qui se contenterait de nous dire « Cela rend les sauces meilleures ?» Rassurez-vous, cela n'arrivera pas de longtemps, et la fleur des champs de la Murcie a encore devant elle un long avenir. Progrès, mon ami, voudrais-tu bien nous permettre, après nous être humblement inclinés devant toi, de t'adresser une supplique ? Songe un peu à éclairer nos cuisinières. Revenons au banquet, où nous verrons se succéder un salmi de cyperdrie, bien épicé, 3 livres de poissons frits, un ragoût de chevreau et enfin un dindon immolé le matin même et que 6 heures de cuisson dans le four n'avaient pu parvenir encore à attendrir. Jamais on n'avait vu pareille caricature d'un dindon rôti. Il était presque aussi charbonné que ce frise poulet dont il est question dans un conte de la tante Maria. Ses ailerons, qui n'avaient été ni replié, ni fixé, se déployait comme si le pauvre animal allait danser un fandango. Ses pattes, qui n'avaient pas été attachées ensemble, semblaient poussées par une telle antipathie que l'une s'étendait au couchant et l'autre vers le levant. Enfin, le cou, qu'on n'avait pas eu le soin de couper, sortait du plat et pendait tristement comme s'il eût cherché à terre la tête dont on l'avait privée. Le triomphe du festin fut le dessert. À un plat d'excellent et onctueux riz au lait succédèrent 4 plats de pâtes frites, l'un de beignets pétris dans du vin blanc, un autre d'une légère pâte à la rose où les œufs dominaient, puis des gaufres émaillées comme d'une pluie parfumée de petites dragées de toutes les couleurs. Enfin, le plat de résistance, les torrijas. Dans des compotiers de cristal, brillaient d'une vive couleur les gelées aux tomates confectionnées avec amour par Rosita, la maîtresse d'école. Note du traducteur. Torrijas, tranches de pain trempées dans du vin, etc., couvertes de battue et frites dans du beurre ou de l'huile. Fin de la note. Nous devons cependant dire que la palme de la sucrerie dut être décernée à un chef-d'œuvre confectionné par les religieuses du couvent de Santa Anna. C'était un plat moulé, représentant au naturel un bonnet de docteur confectionné en masse-pain. À chaque coin pendait gracieusement une houppette en sucre filé. Cette allégorie délicate et directe à l'objet de la réunion enthousiasma tellement Don Perfecto qu'à l'insu de sa femme, il fit porter au couvent le quart d'une robe de garbanzos. Quand la Tiburcia vit arriver ce plat, image de la cause de ses chagrins domestiques, quand elle vit ce représentant de la ruine de la maison, de la perte de son fils, de la razzia faite le jour même dans la basse cour et dans son garde-manger, elle s'écria avec rage. « Encore un bonnet ! Comme si nous n'en avions pas assez de celui de Séville, qui nous a coûté 2000 bonnes piastres. C'est vrai, j'en ai une indigestion de bonnet. Et puisse celui-là étrangler ses goinfres, comme l'autre m'a étranglé moi-même, puisque je ne puis le digérer. »